La neige a glissé sur nos pas, au bord d'un lac gelé, enlacés dans la brume, nous avons marché sur un mur, la fin de l'univers. Sur l'herbe d'hiver, nos enfants insouciants ont gambadé en balançant leur avenir sur leur balançoire. Tu les as vus, je t'ai encouragé la nuit. Les mouettes crassent d'un air découragé, ils annoncent ton départ sans retour. Mes soliloques dans les cafés malheureux, vos idylles en cabine passagère. Les images, les mots, les pièces, ceux qui ont guéri notre agitation, c'était la sève qui coulait les souches de bois. C'est ainsi que nous avons réparé les villes. Pointant dans chacun son imposture, une blessure, un outrage, la fausse quintessence du progrès. Les furies ont conformé votre cortège. Tu m'as accusé, tu m'as condamné vaguement, désolé. Ton corps maternel s'est échappé de mes bras, mais